Hello, Parisien Palo. Hein? Ah, tu pars en vacances bientôt. Alors bienvenue au camp du bonheur. Je me présente, le directeur. Un beau charter traversant les airs t'amènera au camp. Tout le monde t'attend, tu ne seras pas déçu. Tu seras reçu par des gentils membres, des cadres séduisants. Problème de manquer d'argent, tu payes avec des boules ce que tu veux content. Viens soigner ton cœur, oublie tes malheurs. Bienvenue au camp du bonheur. Hein? Alors mon gars, qu'est-ce que tu dis de ça? Hein? Ah, c'est trop beau, hein? Je sais, tu n'y crois pas. Oh, oh. Comment? Ah, c'est moi que tu ne crois pas. Oh. Oh, je remets ça. Vu sur la mer, pour calmer tes nerfs. Parasol géant, son couple exigeant, du soir au matin, ambiance des copains, et soirée sympa sur orchestre extra. Oui, nos bains de minuit sont toujours exquis, nos sirènes jolies disant toujours oui. Viens soigner ton cœur, oublie tes malheurs. Bienvenue au camp du bonheur. Alors mon gars, hein, hein, est-ce que tu dis de ça? Attends, je n'ai pas fini, c'est reparti. Au camp du bonheur, on soigne les cœurs. Les paniers géants abritent du vin. Les membres du club ne sont pas trop snobs. Y'a du jargon genre et des grands sentiments. Et les animateurs sont de bonne humeur. Ils t'apprendront le ski, nautique, c'est gratuit. Viens soigner ton cœur, allons, n'aie pas peur. Bienvenue au camp du bonheur. Alors mon gars, hein? Qu'est-ce que tu penses?